Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Jeanne revient, épisode 3, Bruno Cru, Bruno Cuit, une série proposée par Christophe Barrère, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir. Avec Jeanne revient, nous vous proposons une série en 4 épisodes, diffusée chaque vendredi et ce jusqu'au 8 mars. 4 fictions qui nous racontent de la fin des années 60 à aujourd'hui, l'histoire du Front National et de la famille Le Pen. À moins que cela ne soit le contraire, peu importe, quel que soit l'ordre, les deux sont totalement imbriqués. Voici donc un résumé de cette série en quelques lignes. Les productions Maglan se lancent dans un film consacré à la saga familiale Le Pen. Mais une question se pose d'emblée, faut-il en faire un documentaire ou une fiction? Pas simple. D'ailleurs, le tournage tourne au naufrage, les tensions sont trop fortes, mais c'est l'occasion de replonger dans près d'un demi-siècle l'histoire du Front National, en soulignant ce mélange si particulier des liens politiques et familiaux, les années de provocation, de guerre des clans, de trahison à travers les trois générations de dirigeants, Jean-Marie, Marine et ses sœurs, Yann et Marie-Caroline, et puis Marion Maréchal. Au noyau dur, et pour compléter la galerie des portraits, viennent s'ajouter les conjoints respectifs et surtout, en tout cas pour aujourd'hui, les indispensables sacrifiés, les numéros 2. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Bruno Cru, Bruno Cuit » car c'est le parcours et le destin des numéros 2 du Front National à travers Bruno Maigret et Bruno Gollnisch qui se dessinent. Il y aura aussi Karl Lang et Florian Philippot. Tous ont connu le même sort, tous sont venus un peu kamikazes, percuter le clan Le Pen, tous ont été sacrifiés sur l'autel de la fidélité familiale, même si tous n'ont pas résisté de la même façon. Nous allons assister à ces terribles luttes, donc des luttes internes entre tragédie grecque et comique du théâtre de boulevard. 10 années avec Bruno Maigret, de l'ascension jusqu'à sa chute, ce qui entraînera une nouvelle crise familiale avec le départ de Marie-Caroline, qui avec son mari Philippe Olivier suivront Bruno Maigret et trahiront Le Pen, un affront terrible, une transgression ultime. Puis Bruno Gollnisch suivra une trajectoire semblable et dont la chute correspond à l'arrivée de Marine Le Pen à la tête du parti. Voilà, nous nous retrouverons après la fiction, bien sûr, pour continuer cette enquête autour du Front National, de son histoire et de celle de la famille Le Pen, avec notre invité, Dominique Albertini, journaliste politique à Libération, notre partenaire une fois par mois, et spécialiste du Front National ainsi que de l'extrême droite. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Photo là, celle-là. Quoi? C'est mes trois filles, ça. Oui. Ah, oh, bah, écoute, voilà, c'est ma progéniture. Écoute, elle est. C'est Yann, là. Yann. Oui, Yann, oui. Marine, évidemment. Marine Marie-Caroline. Et Marie-Caroline, oui. Elle pourrait recommencer cette photo, Marie-Caroline? Je crois pas. Pour l'instant, nous ne sommes pas en relation. Non, nous avons un fort contentieux. Ce sont des attitudes personnelles à mon égard que je juge incompatibles avec la morale familiale et avec la morale tout court. Je pardonne beaucoup, mais pas tout. Voilà. Pas tout. Jeanne revient. De François Perrache. Réalisation Cédric Ossir. Douche douce, 16 chaises sèches, tata ta tarte tatin tonta tonton, tonton tata ta tarte tatin tata. C'est pas beau mais tentant de tenter de tâter, de téter les tétons de tata quand tonton n'est pas là. Qu'est-ce que vous faites Ariane? Articulation, très important l'articulation, pour mes scènes dans le film. Benjamin m'a dit qu'il était en train de m'écrire le texte pour Jeanne d'Arc, je m'exerce. Je me suis fait un café. Vous voulez un café? Un déca, je veux bien, oui. Un déca? Bon, ben, je vous fais ça. Monsieur Poulidor, je peux vous demander un petit conseil, vous qui travaillez depuis longtemps dans le cinéma?